Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans La Parole est à vous. Avec ce soir un dancier consommateur. Alors, quelques nouvelles brèves, hein, grâce en particulier au magazine mensuel Que choisir de l'Union fédérale des consommateurs. Alors, on va parler de la tomate. Bah oui, un virus. Et donc, Que choisir de titrer Alerte rouge sur la tomate. Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Oui, il n'y a pas que le virus humain, il y a aussi le virus de la tomate. Tel est le nom d'un nouveau virus particulièrement dangereux pour les tomates. Piment et poivron, contre lequel aucun traitement n'existe, ont averti les autorités sanitaires. Identifié pour la première fois au Moyen-Orient en 2014, il a depuis contaminé l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, dont l'Espagne, notre principal fournisseur. Il a été signalé en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en décembre 2018. Or, le constat est inquiétant. Il peut se transmettre par les semences, les plants et les fruits infectés, ainsi que par simple contact. Et il peut survivre longtemps sans perdre son pouvoir infectieux. Aucun traitement ou aucune variété résistante n'existe aujourd'hui. Toutes les cultures sont potentiellement exposées, les grandes serres des producteurs comme les potagers familiaux. Les principaux risques de contamination sont liés aux personnes qui circulent d'un jardin à l'autre, ainsi qu'aux achats de graines par Internet, dont certaines proviennent d'autres pays. Outre les semences et les plants eux-mêmes, les outils, mais aussi les vêtements, les chaussures, les roues des voitures, la terre et les insectes peuvent transporter le virus. Ouais, c'est pas trop rassurant hein, pour nos tomates, poivrons et autres piments, hein, parce que quand même c'est très important pour les cultures, y compris familiales. Voilà donc pour cette alerte rouge sur la tomate. On va parler d'eau. Eau non potable, une filiale de sort condamnée. Alors ça se passe pas en France métropolitaine, mais quand même ça a valeur d'exemple. La Cise, filiale du groupe Sort, dessert une partie de l'île de la Réunion en eau potable. Elle vient d'être condamnée pour avoir fourni une eau ne répondant pas aux normes de potabilité pendant des années. Un couple avec jeunes enfants a découvert que son eau du robinet n'était pas potable, en particulier lors des épisodes de pluie intense en période cyclonique. Ce qui est fréquent à La Réunion, bien entendu. Ses démarches auprès de son distributeur d'eau restant sans résultat, il l'a attaqué en justice. La CISE plaide l'absence de faute, assurant que son contrat ne lui impose pas de fournir une eau toujours conforme aux normes sanitaires. Fin 2019, le tribunal lui a rappelé son obligation de résultat, à savoir celle de délivrer une eau en permanence potable. La CISE est condamnée à verser 7 847 euros à la famille. Elle doit par ailleurs lui livrer des fontaines à eau ou des bouteilles d'eau à raison de 6 litres par jour, tant qu'elle ne fournit pas une eau conforme dans toutes circonstances. Et puis avec une astreinte de 100 euros par jour. Alors que dire par rapport à ça, hein, je le disais à l'instant, ça se passe à La Réunion, mais ça pourrait très bien se passer chez nous, hein, d'autant plus que l'affermage de l'eau est devenu souvent une règle. Hein, et les Comcom préfèrent, plutôt que d'entretenir les réseaux des communes, donc faire appel à des compagnies privées. Voilà, et puis même ces compagnies privées sont très appuyées par le gouvernement français et les lobbies pour intervenir, y compris à l'étranger. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a certaines qui sont bien en cours. Voilà, alors on repart de la justice, hein, on en a parlé beaucoup dans notre dossier juridique. Et Que choisir ? Fait un premier bilan, on pourrait dire, des jugements exécutés sans délai aujourd'hui. Voilà une petite révolution dans le droit français qui fait grincer les dents chez les juristes. Les jugements rendus par les tribunaux civils de première instance deviennent exécutoires de plein droit. L'article 514 du Code de procédure civile. C'est l'une des mesures de la loi de justice adoptée au printemps, celle qui a fusionné TGI, tribunal de grande instance, et TI, tribunal d'instance, dans des tribunaux judiciaires. Avec cette exécution provisoire d'office, même si l'une des parties fait appel, la décision s'applique. De fait, celle condamnée à verser des dommages-intérêts devra le faire sans délai. Cela vaut pour les seules procédures introduites après le 1er janvier 2020, puisque une loi, bien sûr, n'a pas d'effet rétroactif. Avant cette réforme, le juge disposait d'une certaine latitude. Il devait spécifier qu'il ordonnait l'exécution du jugement, ce qui n'était pas systématique. En dehors de ce cas, faire appel avait un effet suspensif. Les dispositions du premier jugement étaient, en principe, gelées. Gelées jusqu'au résultat, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. Désormais, avec l'exécution provisoire imposée, la partie qui a perdu en première instance et interjette appel doit être rétablie dans l'institution antérieure. Si elle gagne ce second round, elle peut ainsi, par exemple, obtenir le remboursement des dommages et intérêts qu'elle a dû verser. Nombre d'observateurs pointent les difficultés que cela ne manquera pas d'occasionner. Je mettrai entre parenthèses que, de toute façon, la réforme Macron n'a pas amélioré les choses à tous les niveaux dans la justice depuis la réforme Prud'homale, en particulier en 2017. Avec la clé de nouveaux contentieux. Autrement dit, tout l'inverse de l'objectif de cette réforme, qui est de désengorger les tribunaux. Environ 20% des décisions de première instance font l'objet d'un appel. Et le taux d'affirmation tourne autour de 50%. L'exécution provisoire d'office supporte néanmoins des exceptions fixées par la loi. Ainsi, elle ne s'applique pas à plusieurs décisions statuant sur l'état civil, comme la demande de changement de nom ou de prénom, ce qui paraît tout à fait logique, à celle du juge des affaires familiales, autorité parentale et pension alimentaire notamment, ou liée à l'adoption. Le juge a la possibilité de renoncer à l'exécution s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire traitée. Autre cas de figure, s'il y a appel, la partie condamnée peut solliciter auprès du premier président de la cour d'appel compétente, sous condition, bien sûr, la suspension de l'exécution. Ça peut être un plus quelquefois dans des décisions parce qu'au moins la personne n'est pas obligée d'attendre quelquefois 2 ans, 3 ans avant de pouvoir se faire rendre justice. On le voit dans les affaires prud'homales. Mais par contre, ça peut être extrêmement, extrêmement nocif parce que ça veut dire que faire appel, en particulier pour un salarié qui était condamné, parce que ça arrive quelquefois sur une demande reconventionnelle de l'employeur, par exemple, qu'un salarié soit condamné, il va se retrouver dans des difficultés innommables en sachant par ailleurs que la plupart du temps, c'est lui qui paye les frais de justice. Voilà, le principe même de cette exécution provisoire, systématique, laisse à désirer et extrêmement critiqué, bien sûr, par les juristes. Tant que les voies de recours n'ont pas été adoptées, suivies, je crois que c'est toujours prématuré de faire des exécutions provisoires, qui peut se retourner contre la personne qui a gagné en première instance, d'ailleurs. Voilà, on va changer de sujet, on va parler de plastique à usage unique. L'industrie tombe dans l'absurde, selon que choisir. Plastique Europe, le puissant syndicat professionnel des industriels du plastique, défend l'utilisation des plastiques à usage unique pour avoir de la matière à recycler. Dans un communiqué de presse, on lit que l'objectif français de faire disparaître les emballages plastiques à usage unique risque de compromettre l'atteinte des taux élevés de recyclage. Ceci nécessite en effet des investissements importants qui pourraient être découragés par la perspective de disparition de la ressource à traiter. Que l'industrie du plastique profère de telles énormités prouve que les interdictions décidées à venir d'objets en plastique à usage unique, devraient être efficaces. Une excellente nouvelle pour l'environnement et notre santé, tant l'accumulation de micro- et nanoplastiques devient préoccupante. Depuis le 1er janvier, coton-tige, gobelets et assiettes jetables en plastique sont interdits à la vente en France. La réglementation européenne enrichira cette liste d'interdiction le 1er janvier 2021 en ajoutant couverts, paille, touillettes, tiges, pour ballons gonflables et emballages alimentaires en polystyrène expansé. Restent les petites bouteilles, un gisement énorme de déchets qui demeure autorisé. Les industriels ont encore de quoi recycler. C'est ce que dit que choisir pour ajouter en quelque sorte une note humoristique aux demandes donc du lobby du plastique. Voilà, alors que dire par rapport à ça, bien sûr, on a pu voir déjà les bâtonnets, c'est déjà une bonne chose, qui ne sont plus en plastique, hein, qui sont en carton. Puis je crois que ça marche aussi bien et au moins on évite une partie des mers de plastique que l'on trouve dans les océans de la Terre entière. Hein, mais enfin, c'est pas ça qui élimine les sachets. On pourrait dire même que on continue avec les sachets en plastique, prétendument recyclables, comme s'il y en avait des vraiment recyclables. Hein, c'est pas du tout évident. Et donc, on voit quand même dans les rayons de supermarché, plutôt que d'utiliser, par exemple, du papier pour les fruits et légumes, on utilise toujours du plastique. Et toujours et encore du plastique. Donc, on n'a pas fini avec le plastique et sa pollution qui peut s'étendre sur des centaines d'années. Alors, que choisir ? On reparle de la Dépakine. Sanofi, donc, le laboratoire qui produit la Dépakine, était mis en examen. C'est pour tromperie aggravée et blessure involontaire que la firme pharmaceutique Sanofi vient d'être mise en examen dans l'affaire de la Dépakine. Pris pendant la grossesse, cet anti-épileptique peut provoquer des malformations de l'enfant à naître ou des troubles du développement comportemental et cognitif après la naissance. Le risque était connu, mais les femmes sous Dépakine le restaient pendant leur grossesse. Les crises d'épilepsie étant considérées comme un danger plus grand pour le fœtus que le médicament. Dans le meilleur des cas, elles faisaient l'objet d'une surveillance plus étroite jusqu'à l'accouchement. Résultat, entre 2150 et 4100 enfants exposés aux médicaments sur la période 1967-2016 présentent au moins une malformation majeure, selon des estimations officielles. Depuis 2 ans, des recommandations à destination des médecins et des pharmaciens ont été publiées pour éviter d'entreprendre des traitements par valproate de sodium, c'est-à-dire par Dépakine, chez toutes les filles ou femmes afin de n'avoir pas à gérer leur arrêt en cas de grossesse. L'association APESAC, qui rassemble les familles touchées par les séquelles de la Dépakine, s'est félicitée par la voix de sa présidente, Marine Martin, du pas franchi dans cette procédure pénale entamée en 2016. Au total, 37 familles ont porté plainte. La PESAC reproche à Sanofi de n'avoir pas suffisamment informé les patientes de la toxicité de la Dépakine, qui était connue depuis les années 1980. La notice n'a que tardivement été mise à jour. De son côté, Sanofi se défausse sur l'agence du médicament, l'AFSAT, à l'époque, laquelle aurait tardé à accepter les modifications demandées par le fabricant. Alors voilà, de toute façon, la justice essayera de déterminer un petit peu les responsabilités des uns et des autres. Mais enfin, c'est vrai qu'on a souvent administré des médicaments sans considérer les risques secondaires. Les médicaments ont toujours des risques. D'ailleurs, la plupart maintenant des notices de médicaments font état justement des risques potentiels et demandent aux personnes qui sont sous traitement de les signaler éventuellement. Je crois que là, on a fait un grand pas en avant avec tous ces problèmes qu'on a pu avoir par rapport aux médicaments, hein, qui étaient donnés souvent sans précaution parce que les médecins ne connaissent pas forcément le pouvoir de certaines molécules et les inconvénients qui en résultent. Voilà. Alors, on va quand même parler du coronavirus, qui s'appelle maintenant le Covid-19. Maintenant, il n'a pas que les yeux jaunes, on lui a donné un nom. L'annonce d'une épidémie. Alors, c'est l'article que je choisis. Les masques chirurgicaux sont-ils nécessaires ? L'annonce d'une épidémie provoquée par une nouvelle souche de coronavirus venue de Chine a été suivie d'une ruée vers les masques chirurgicaux en pharmacie et sur Internet. On pourrait dire que ça fait marcher le commerce. Et les acheteurs sont des personnes en bonne santé qui souhaitent se prémunir contre cette infection respiratoire. Mais l'absence de symptômes, fièvre, frissons, écoulement nasal, douleurs musculaires, ce type de protection est inutile même pour des populations à haut risque de complications. Ces masques ont fait l'objet de plusieurs essais cliniques et aucun n'a démontré son efficacité, même parmi les modèles les plus sophistiqués, équipés d'un dispositif de filtration et plus couvrant. Et pour cause, l'infection se propage aussi par les mains. La prévention ne devient efficace que lorsque le port du masque est associé au lavage des mains, ce qui suggère que combiner différentes mesures, dites barrières, est une meilleure méthode. En revanche, si l'on présente des symptômes, mettre un masque est recommandé pour protéger les autres. Il diminue la quantité de virus propagé dans l'air. Toutefois, cela ne suffit pas. Les infections respiratoires comme la grippe ou les coronavirus se transmettent par les gouttelettes de salive émises en toussant ou en éternuant par les aérosols viraux présents dans le souffle et par les mains. Or, les masques chirurgicaux ne couvrent pas tout le visage. Ils laissent donc passer les aérosols, d'où l'intérêt en complément de se laver régulièrement les mains. Tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, nettoyer régulièrement des surfaces souillées et rester chez soi jusqu'à la fin des symptômes. Voilà, voilà, à croire que cette épidémie ou cet épisode du coronavirus, du Covid-19, il n'y a vraiment pas de quoi. Et il faut en parler, certes, il faut mettre en garde, mais je crois que là, quant à dire mobiliser tous les médias sur ce problème-là, c'est oublier quand même qu'on a des problèmes plus graves de par le monde et qu'il faudrait peut-être en parler aussi. Voilà, on parlait de rhume, des médicaments inventés pour éviter pour le rhume, d'après que choisir toujours. Nouvelle mise en garde sur les médicaments anti-rhume. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, publie sur son site une mise à jour des documents appelant à la prudence vis-à-vis de ces produits contenant des vasoconstricteurs. Car si ces molécules présentent l'avantage de diminuer la sensation de nez bouché en diminuant le calibre des vaisseaux, ce qui permet de mieux dormir, ce rétrécissement augmente les risques d'AVC, d'infarctus, d'hypertension ou encore de convulsion. Mieux vaut donc se passer de ces spécialités, Actifed, LP rhinite, rhinite allergique, Actifed rhume jour et nuit, Dolirhume, paracétamol et Ephedrine, oui, c'est bien ça. C'est un peu dur, difficile à prononcer. Dolirhume Pro, paracétamol, pseudo-ephedrine et doxylamine Humex. Rhume Nurofène, rhume Rhin Advil, rhume Ibuprofène. Il y a toute une liste de spécialités. Il y a caprume, ibuprofène, parce qu'on voit là des molécules d'ibuprofène, et puis de paracétamol, qui sont associés à d'autres molécules comme vasoconstrictor. Débouchez plutôt votre nez en utilisant plusieurs fois par jour des produits de lavage, dosettes de sérum physiologique, spray de houe de mer, poire de lavement, rhino-horn, etc. En dormant la tête surélevée. Un rhume guéri en une semaine avec ou sans médicaments. Hein, comme disaient les anciens, une crève pas soignée dure 7 jours et une crève soignée dure une semaine. Voilà, on en est toujours là parce qu'on n'a rien trouvé de vraiment efficace contre le rhume de cerveau. Voilà, on reste dans le domaine de la santé, mais avant, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée, c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts.

Dans le domaine de la santé, on reparle bien sûr, c'est un des sujets favoris de Que Choisir, de l'UFC, les cosmétiques. Alors là, c'est les cosmétiques comme avant. Alors, par rapport aux tests d'usage, Que Choisir parle d'un bilan mitigé. Vous êtes nombreux à nous interroger sur la marque de cosmétiques bio, comme avant. Elle joue la simplicité, aussi bien dans sa gamme de produits très resserrée que dans ses listes d'ingrédients. On n'en trouve jamais plus de 4 par référence, et tous sont a priori inoffensifs. Notez vert dans notre appli « Quel cosmétique ?» de Que Choisir. De plus, l'absence de parfum évite les allergènes, chose rare en cosmétique bio ou non. Grâce aux emballages très réduits, on parvient presque à du zéro déchet. C'est un vrai plus. En revanche, la prise en main ne nous a pas toujours convaincus, dit Que Choisir. Le shampoing solide se montre facile d'usage, mais ce n'est pas le cas de la crème hydratante. Solide, elle aussi, qu'il faut réchauffer dans ses mains avant de pouvoir l'étaler. Et encore moins du déodorant et du dentifrice, tous deux sous forme de poudre. Notant au passage que sans fluor, le dentifrice aura du mal à prévenir les caries. Pour ces 3 produits, il est malaisé d'estimer les quantités employées. Ils s'avèrent globalement moins pratiques et moins plaisants à utiliser que leurs concurrents conventionnels. Elles s'adressent plutôt à ceux pour qui cet inconvénient reste mineur comparativement à la conviction de protéger sa santé et la planète. Voilà, toujours dans le domaine un peu de la santé, hein, périphérique à la santé, on repart des nanoparticules. Et un appel en particulier de l'UFC pour plus de prudence. Face aux incertitudes, il faut accélérer la recherche. Dit Que Choisir. Les nanoparticules sont surveillées de près par les scientifiques à cause de leur taille, en augmentant a priori leur potentialité toxique et de leur comportement imprévisible. On en trouve dans de nombreux produits de consommation courante, notamment alimentaires ou cosmétiques. L'une d'elles, la nanodioxyde de titane, a vu son utilisation dans les aliments suspendus. Début février, le comité de la prévention et de la précaution a rendu un rapport appelant les pouvoirs publics à plus de prudence. En tant que pédiatre, je suis préoccupé par le caractère pro-inflammatoire de beaucoup de ces particules. L'inflammation étant en tête des facteurs menant au cancer, a déclaré Alain Grimfeld, président du CPP. Nous sommes dans le cas typique où doit s'appliquer le principe de précaution avec des substances présentant un danger non complètement défini, mais plausible et ayant un impact possible important en matière de santé. On ne peut pas continuer à produire des nanoparticules par tonne en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Les experts du CPP souhaitent notamment une accélération de la recherche afin de mieux mesurer l'exposition humaine et environnementale aux nanoparticules. Trop d'incertitudes subsistent, alors que les produits qui en contiennent sont parfois inutiles. On le voit par exemple pour le dioxyde de titane, hein, c'est un colorant. À tel point que le comité suggère une autorisation préalable à leur mise sur le marché, évaluant le rapport bénéfice-risque. Voilà, fin de l'article. Alors on va complètement changer de sujet, on va parler circulation. Remonter les fils, c'est dangereux. Une étude récente réalisée à Marseille, par des chercheurs de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, montre que la circulation interfil des deux roues motorisées est associée à un risque 5 fois plus grand de collision avec un piéton. Autorisée dans 3 départements, donc dans le 13, le 33, le 69, et en région Île-de-France, sur les autoroutes et les voies à 70 km/h, ou plus, à titre expérimental, la circulation interfil des deux roues motorisées ne l'est pas en milieu urbain. La pratique est pourtant répandue. Donc, cette structure, l'IFSTAR, recommande à minima des aménagements comme des terre-pleins centraux pour renforcer la sécurité des piétons. Bah oui, parce que les piétons, ben, ils vont, Ils vont, en cas de bouchon, s'insinuer entre les véhicules et puis bien sûr, seront vulnérables aux deux roues qui ne les voient pas forcément déboucher entre les véhicules. Voilà, hein, puis sans compter que c'est vrai qu'en ville, à la périphérie des villes, la circulation des deux roues, c'est quelque chose quand même extrêmement dangereux. Hein. On voit surgir deux roues à la hauteur de son rétroviseur, ça fait toujours très très impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Voilà, alors, y a tout un article qui concerne l'agriculture bio. Pourquoi cet article ? Ben justement, récemment, il y avait une soirée avec les coquelicots, en particulier à Remiremont, et parler aussi de l'agriculture bio qui peut être quand même un moyen de lutter contre les pesticides, puisque l'agriculture bio est censée ne pas utiliser de pesticides. Mais voilà, l'agriculture bio se développe parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le souci de leur santé et de la santé de leur famille. Mais malheureusement, la surface de culture, même si elle augmente, elle est encore insuffisante pour répondre aux besoins. Et puis, il y a le problème du budget. Budget insuffisant, état défaillant, structure dépassée, coût de production élevé, tandis que la demande en aliments bio augmente, le financement de cette filière laisse craindre pour son avenir. Car si les ménages sont prêts à mettre la main au porte-monnaie, il n'en va pas de même des pouvoirs publics. Dans un rapport présenté début février, les sénateurs Alain Houpert, LR, et Yannick Botret, PS, fustige un désengagement de l'État malgré une communication offensive tenant du marketing politique, sans aucune vision. Les deux élus prédisent même que le plan Ambition Bio 2022, lancé en 2018 par l'ex-ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, ne sera pas atteint, avec à mi-parcours à peine plus de 8% des surfaces agricoles et 3% des volumes de la restauration collective en bio. On est loin de l'objectif de 15% des surfaces et 20% du bio dans la restauration. Les sénateurs tablent au mieux sur 2026 pour arriver à ces taux. Et encore, à condition de mettre le paquet, ce qui semble mal engagé au vu de nombreuses failles qu'ils relèvent. Face à la fragilité des fermes en bio, contraintes techniques, sensibilité aux accidents climatiques et sanitaires rendement moindres, les soutiens en agriculture ne sont pas à la hauteur, d'autant qu'il y a des dysfonctionnements récurrents dans le versement des aides. Le rapport tacle aussi l'encadrement de la filière bio bien sûr, qu'il s'agisse de la marginalisation du ministère de l'Agriculture, du manque de rigueur de l'Institut national des appellations d'origine ou des missions hétéroclites de l'agence bio. Sans compter les contrôles de la répression des fraudes insuffisantes, faute de moyens, faute de personnel aussi, et l'Institut technique de l'agriculture biologique, placé en redressement judiciaire en 2019, alors qu'il faudrait booster les reconversions pour rattraper leur retard. Ce rapport laisse planer le doute sur la capacité bio à se développer, voire à se maintenir. Voilà, quand même, c'est un bilan qui est particulièrement sévère. Enfin, c'est celui de Que Choisir qui se fait le porte-parole quand même de ces agriculteurs, des agriculteurs bio. Alors, bien sûr, la spécificité vosgienne qui a été soulignée justement par les coquelicots récemment, c'est que dans les Vosges, l'agriculture bio s'est beaucoup développée. En sachant bien qu'il y a des problèmes par ailleurs, en particulier sur la zone de Vittel à cause d'un pompage excessif des eaux. Mais que dire par rapport en particulier aux Vosges? Bien sûr, les agriculteurs, où ils sont en bio, ils risquent de péricliter parce que les surfaces sont telles, sont relativement faibles. Et donc, si les agriculteurs veulent s'en tirer, ils sont bien obligés de cultiver en bio. D'où quand même une bonne couverture du territoire vosgien par l'agriculture bio. Puisqu'on parle agriculture, élevage, on va parler du bien-être animal. En progrès, des avancées malgré beaucoup de flou, titre Que Choisir. La castration à vif des porcelets et le broyage des poussins seront interdits fin 2021. a annoncé Didier Guillaume ministre de l'Agriculture. Décidément, les Guillaume sont ministres de père en fils. Le 28 janvier, d'ici là, les filières devront trouver des alternatives économiquement viables. Le ministre, enfin je ne suis pas sûr que ce soit le fils de l'autre Guillaume, le ministre n'a pas fourni de réponse sur l'éventuelle hausse de prix qui en découlera pour les ménages. Parmi les autres mesures, un futur décret devrait interdire toute pratique douloureuse en élevage. Mais le ministre reconnaît qu'il n'y a encore rien dedans. Un appel d'offres a été lancé pour une expérimentation sur la vidéosurveillance en abattoir. Enfin, c'est le grand flou sur l'information aux consommateurs. Un futur étiquetage de mode d'élevage devrait être étudié. Et la France compte porter la réflexion au niveau européen. Mais rien de précis n'est encore acté. Une expérimentation de 2 ans pourrait démarrer l'an prochain. Les associations de protection des animaux ont immédiatement réagi. Si elles se félicitent des annonces sur la castration des porcelets et le broyage des poussins, elles critiquent le flou des autres dispositions. L'ONG CIWF, qui défend un élevage durable, déplore l'oubli total des cages. Et Wellfarm, ONG de lutte pour la protection des animaux de la ferme, continue de réclamer l'arrêt pur et simple de la castration. Didier Guillaume a également renforcé des mesures concernant les animaux de compagnie, notamment des sanctions en cas d'absence d'identification des chats. Bah, on n'a pas fini, hein, parce que ce n'est pas toujours évident, pour les chats. Hein. Voilà, que dire encore on va s'accorder peut-être une pause musicale. Hein, parce que là, je ne vais pas détailler les différentes actions locales de que choisir, mais par contre, je voudrais aborder les problèmes de fond. Hein. Des escroqueries à l'immobilier, par exemple. Mais ça, je vous laisse à la lecture de que choisir. On va parler du littoral, parce que ça, c'est un grave sujet, bien sûr, parce qu'on continue, on recommence à bétonner un peu partout. Voilà, on s'accorde une pause musicale. On écoutera Jean Ferrat dans une chanson qu'on n'a pas beaucoup entendue. Avait 2 enfants, 2 garçons dont elle était fière, et c'était bien la même chair, et c'était bien le même sang. Ils grandirent sur cette terre, près de la Méditerranée. Grandirent dans la lumière, entre l'olive et l'oranger. C'est presque au jour de leurs 20 ans qu'éclata la guerre civile. On vit l'Espagne rouge de sang crier dans un monde immobile. Les 2 garçons de Maria n'étaient pas dans le même camp, n'étaient pas du même combat. L'un était rouge et l'autre blanc. Qui des deux tira le premier? Le jour où les fusils parlaient, et lequel des deux s'est tué sur le corps touché de son frère? On ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on les retrouva ensemble. Le blanc et le rouge le mêlé, à même les pierres et la cendre. c'est venu parler de la guerre. Si vous lui dites liberté, elle vous montrera la pierre où ses enfants sont enterrés. Maria a deux enfants, deux garçons dont elle était fière, et c'était bien la même chair. Voilà, un plaisir à retrouver Jean Ferrat, hein, c'est une chanson parmi d'autres qu'il a composée sur la guerre d'Espagne en particulier, hein, la guerre qui aurait pu être évitée puisque le gouvernement de gauche espagnol à l'époque n'a pas été soutenu par les nations occidentales. Hein, et alors qu'elle était soutenue par les régimes fascistes, en particulier par Hitler. Franco était soutenu par Hitler. Voilà. Et donc, je pense qu'on aurait pu éviter cette guerre meurtrière qui avait quand même 50 millions de morts si véritablement on avait étouffé dans l'œil la montée de l'extrême droite hein, dans les pays européens, l'extrême droite fasciste dans les pays européens. Mais enfin, c'est une autre histoire, ça appartient à la grande histoire et on pourra en tirer des leçons par rapport à l'indifférence qu'on a par rapport, exemple, le régime syrien actuel. Voilà. Alors, il y a une alerte qui est lancée par Que Choisir. Le port de la colère sur le littoral. À Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, la côte encore préservée est aujourd'hui partiellement menacée de bétonnage. La justice a provisoirement suspendu les travaux. Un nouvel exemple d'atteinte à la loi littorale censée protéger nos bords de mer. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Rémi Bolt, ancien directeur de cabinet de Jacques Bouille, maire de Saint-Cyprien entre 1989 et 2009, a jeté un pavé dans la mare le 8 décembre 2019 via un communiqué de presse. Condamné en 2016 à 4 ans de prison, dont 2 fermes, dans le scandale du système Bouille, où pullulaient malversations et faits de corruption, il fait savoir qu'il ne peut plus admettre les errements du maire actuel, Thierry Del Poça, et qu'il se tient à la disposition des candidats potentiels aux prochaines élections municipales pour transmettre le résultat de ces investigations, comme il le fera d'ailleurs, auprès du nouveau procureur de la République de Perpignan, de la Dynamite, surtout lorsque l'on sait que Jacques Bouille s'est suicidé en prison en 2009 et que son successeur, Pierre Fonveille, a ensuite lui-même été mis en examen, puis condamné à 1 an de prison dans la même affaire. Or, ce dernier aussi a aussi dénoncé le rôle de Thierry Del Poça dans le processus judiciaire, violation du secret de l'instruction, témoignage mensonger. Voilà, une drôle d'ambiance donc à Saint-Cyprien. En sachant bien que ces projets immobiliers, toujours pareil, il y a des maires qui font un peu n'importe quoi et puis qui essayent de violer la loi littorale. Loi littorale qui a eu du mal d'accoucher sous un gouvernement de gauche. Hein, c'était à partir de 1980 avec le retour de la gauche au pouvoir. Et puis la plupart du temps, ça a posé énormément de problèmes pour la faire respecter. Voilà, que dire encore? Ah oui, dans les alertes lancées par Que Choisir, l'arnaque en ligne. Beaucoup plus de victimes recensées en 2019. Chantage à la webcam, piratage de comptes et phishing sont les attaques sur Internet les plus fréquentes de l'année dernière, selon le rapport d'activité du site Cybermalveillance. Un score de 28 855 en 2018, puis de 90 604 en 2019, en un an. Les demandes d'assistance ont bondi de 214% sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, dédiée aux victimes de cyberattaques des particuliers. dans 90% des cas. Si une telle hausse signale que le dispositif a gagné en visibilité auprès de la population, elle témoigne aussi de l'ampleur des nouveaux types de menaces numériques qui explosaient en 2019. Le chantage à la webcam, particulièrement important en début d'année, ce phénomène représente à lui seul 38% des tentatives d'arnaque recensées par le site. Le piratage de comptes et le phishing, hameçonnage, eux, continuent de faire des ravages. Autant de modes opératoires pour aboutir à un objectif unique, extorquer aux internautes leurs données personnelles et ou bancaires ou de l'argent. Et on a des escrocs organisés en réseau. Comme Que choisir l'a révélé tout au long de l'année dernière, les escrocs rivalisent d'imagination et s'organisent en réseaux internationaux afin de piéger les internautes par email, sur les réseaux sociaux ou encore via de faux sites. En ce début 2020, rançongiciel, demande de rançon à la suite d'un vol de données et faux supports techniques notamment ne cessent de progresser. La prudence reste donc de mise, surtout lorsque l'on sait que 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à la cybermalveillance. C'est énorme comme chiffre. Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, a annoncé lors du Forum international de la cybersécurité qu'il s'est tenu fin janvier le lancement de Campus Cyber à Paris d'ici au premier semestre 2021. L'ambition, réunir des pouvoirs publics et structures privées en un même lieu afin de renforcer la sécurité numérique en France, mais également en Europe. Si l'alliance publique-privée est le nouveau mot d'ordre du gouvernemental pour combattre les cyberattaques, celui des consommateurs demeure pour l'instant inchangé. Vigilance. Voilà, hein, parce que ça se développe quand même. Et puis on s'aperçoit aussi que c'est une arme aussi pour certains pays qui financent, enfin, qui aident des malveillants. Donc, à titre informatif, il y a cybermalveillance.gouv.france, le site national fait peau neuve. Cybermalveillance.gouv.fr est né en 2017 d'une volonté gouvernementale. Cette plateforme assiste les victimes de cyberattaques, mène des actions de prévention et fournit des éléments statistiques. Le FC Que Choisir fait partie des 40 partenaires du dispositif. Une version revue et corrigée du site a été lancée le 4 février. Grande nouveauté, la mise en relation avec l'un des spécialistes en sécurité informatique référencé se fait désormais par son intermédiaire. Il s'agit pour la plupart de petites structures dotées de diverses compétences, applications web, objets connectés. Une fois que le consommateur a trouvé l'entreprise ou l'association idoine, il traite en direct avec cet interlocuteur qui peut lui procurer une solution et lui a envoyé un devis pour désinfecter, réinstaller des logiciels. Ce service est en phase d'expérimentation. Il reste à parier sur la réactivité des prestataires pour qu'ils se pérennisent. Voilà, puis pourquoi on peut toujours se demander ces grands réseaux internationaux qu'on ne protège que très peu, et puis surtout des données qui ne sont pas conservées en double, puis qui fait que y a des entreprises qui ont été en panne. On a même une télé, il ne faut pas l'oublier, qui était en blanc à un moment donné parce qu'il a subi une cyberattaque depuis. On le sait maintenant que c'était pas Daesh, que c'était du côté de d'hackers de Russie. Voilà, beaucoup de prudence sur ces données personnelles, etc. Hein, parce qu'on sait aussi qu'on exploite des données personnelles maintenant pour mettre des gens en mauvaise position, y compris au point de vue électoral. Alors, il y a un article que choisir que j'ai déjà commenté dans mes éditos. Il s'agit d'un retour forcé auto électrique. D'un côté, le gouvernement allié aux puissants lobbies électriques, de l'autre, les bureaux d'études et les spécialistes de l'efficacité énergétique, au centre, un enjeu crucial. Va-t-on revenir au tout électrique dans l'habitat? Voilà, je ne vais pas commenter cet article de Que Choisir. Hein. Je vous renvoie donc au mensuel de l'UFC du mois de mars, hein, puisque de toute façon, on est en train même de manipuler les chiffres des passoires thermiques et puis pour relancer le tout électrique. Voilà, il y a aussi une alerte qui concerne l'eau de mer, des flots de promesses. Un nouveau produit baptisé ODEP, hein, ça dépend que ça prononce à la française autrement, annonce offrir un cocktail régénérant de 78 éléments marins et d'acides aminés. Une cascade d'arguments marketing pour vendre de l'eau de mer filtrée et dessalée en bouteille. C'est incroyable ce qu'on essaye de vendre aujourd'hui par tous les moyens. Alors, que choisir par d'une hérésie écologique? Il y a un bon point, nuance un membre du Centre national de la recherche scientifique, le fameux CNRS. Prélever l'eau en présence d'eau de mer préserve les réserves d'eau douce du continent, alors que la pression sur ces ressources s'amplifie. Et là, ce procédé lui-même a frété un bateau de 150 mètres de long, désaliniser l'eau, remplir des bouteilles plastiques, même à 85% biodégradables, est une hérésie écologique, frémit un spécialiste du traitement de l'eau. Sans navire, impossible de procéder à la collecte d'une eau puisée à plus de 200 km des côtes. Peut-être de son côté, océan, freshwater. Voilà, on a fait à peu près le tour de la question. Hein. Il y a un dossier aussi intéressant qu'il faut aussi y aller, donc que choisir. Hein, c'est la menace sur la reine des épices, la vanille. À la fois douce et exotique, la vanille est le parfum préféré des becs sucrés. Mais sa production est en péril. Sa gousse a perdu de son éclat, comme le montre le test que choisir de 26 ingrédients culinaires et produits transformés. Là encore, c'est un article qui est assez bien documenté, qu'il faut lire dans le que choisir du mois de mars. En sachant que la vanille de Madagascar, parce que le gros producteur de vanille, c'est Madagascar, d'ailleurs, ça impacte beaucoup l'économie, hein, s'il y a des années d'ouragan, etc., de culture mauvaise, ça impacte beaucoup l'économie de Madagascar. La vanille de Madagascar donc a perdu en moyenne 50% de sa teneur en vanilline. Voilà, par rapport à la vanille, donc tout un article qui est très documenté sur la vanille. Et puis sur sa transformation, sur sa présence dans l'alimentation. Voilà, et on commence à fabriquer des vanilles de synthèse, peut-être pas ce qui était recherché, mais n'empêche, voilà. Alors, autre test, mais on arrive au bout de cette émission, je crois. Hein, on va se quitter. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, en sachant que c'est le deuxième mardi du mois et qu'on aura donc une émission juridique, un magazine juridique avec Nancy Rizacher, docteur en droit, avocate au barreau d'Épinal. Voilà, alors le thème qui a été retenu, c'est le harcèlement moral dans les entreprises. Voilà, c'est ce qu'a choisi Nancy de développer. Alors si toutefois l'émission est enregistrée cette semaine, si nos auditeurs du mardi nous écoutent, ils peuvent toujours livrer leurs impressions sur ce problème qui est toujours aussi récurrent. Voilà, bonne fin de soirée à toutes et à tous, et à mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.